se lève, pis tu vois qu'une vie s'achève. Même ça pas en bout de nos lèvres, faudrait pas nous prendre pour des gemmes. Mais dis-moi pourquoi, gars, toutes les fois que t'écoutes ma voix, tu donnes le droit de douter. Mais t'es doux, content, t'es de maman douée. Mais ma maman pourtant douée, le tête tellement de ma douée. Son temps qu'à 16 ans, tu sais bien les nuits, des vents, plus les dents, les dents, t'as pas belle vue de son nez. On s'en sort, mon mot qu'est-ce que t'en penses? Moi, jamais demandé, pas me faire demander. Pour toi, pourquoi moi, pourquoi il, pourquoi elle, pourquoi vous? Voyage, nous voyons, voguant sur un voilier, dévoilant ses voiles sous l'océan, sous les étoiles. En avançant avec le vent, avec le temps, maintenant qu'elle a vu ce que le voyou voyait. Parce que le voile, c'est toi de vous voyez. Voyez que c'est tentant, de temps en temps, pour avoir été temps, surtout en constatant que parmi tant, tant de femmes, femmes de tant d'hommes, mais d'autres, mais croyez-moi, ça, c'est quand t'as des noms de l'amour. Je traite à Paris, que personne peut être épargné. Aucun être sur terre, le pouvoir de pouvoir d'être à l'abri des cris de l'amour. Ton cœur a la force de la mer, la férocité de ma vie à mort. Juste ta mère, justement, juste ta mère, jusqu'à temps que tu me dises pourquoi, car toutes les fois que t'écoutes ma voix, tu te donnes le droit de douter. Mais t'es fou, qu'est-ce que tu dis? Tu te bites, c'est l'énergie derrière chaque flow, une nouvelle mélodie. Vive selon fil, ce défi, mais c'est moi, je me méfie. En effet, rien ne me détruit, mais là ça suffit. Tu laisses sur ce coup-ci, j'aime ni les défaites, ni ceux qui nient tout défait. De laisser des fois, je divise sans défaite. Quand même, ça me déçoit, tu vois ma vie qui se défile. C'est comme un film qu'on déroule, on va mes yeux aveuglés. Le roi de Dieu qui me dit, vis ta vie à ton gré. Ma voix, puis si elle se met à tomber, jamais j'aurais douté que les valeurs feraient partie de mon loquet. Je veux savoir, sérieusement, jamais j'aurais loupé. Si t'écris dans mon truc, c'est certain. Certains sont complets, sans compter les comptes. Comporter les comptes, qui comptaient nous contrer. Quel beau complet, j'ai trompé. Je trahis mon bête au frère. Il est les victoires pour ici. Peu plus de gloire, près plus précis. Mais check, laisse tes faux espoirs au Messi. Si, j'm'assis. Il me reste pour un minimum, le minimum de décennie. Un minimum, le minimum de décennie. Un minimum, le minimum de décennie.